À la vue de sa mère, arrivée en toute hâte, Hortense avait versé des torrents de larmes. Aussi la crise nerveuse changea fort heureusement d'aspect. « Trahie, ma chère maman !» lui dit-elle. « Venceslas, après m'avoir donné sa parole d'honneur de ne pas aller chez Madame Marneff, y a dîné hier et n'est rentré qu'à 1h15 du matin. Si tu savais, la veille nous avions eu, non pas une querelle, mais une explication. Je lui avais dit des choses si touchantes. J'étais jalouse, une infidélité me ferait mourir. J'étais ombrageuse, il devait respecter mes faiblesses, puisqu'elles venaient de mon amour pour lui. J'avais dans les veines autant du sang de mon père que du tien. Dans le premier moment d'une trahison, je serais folle à faire des folies, à me venger, à nous déshonorer tous, lui, son fils et moi. Qu'enfin je pourrais le tuer et me tuer après, etc. Et il y est allé, et il y est. Cette femme a entrepris de nous désoler tous. Hier, mon frère et Célestine se sont engagés pour retirer 72 000 francs de lettres de change, souscrites pour cette vaurienne. Oui, maman, on allait poursuivre mon père et le mettre en prison. Cette horrible femme n'a-t-elle pas assez de mon père et de tes larmes? Pourquoi me prendre Venceslas? J'irai chez elle, je la poignarderai.